Bonjour, aujourd'hui j'aimerais toucher un mot concernant la guérison divine. Si vous êtes malade, le premier conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est celui-ci, priez. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez obtenir avant de l'avoir demandé. Moi-même, j'ai été guéri d'une maladie qui m'a tourmenté pendant 10 ans. J'ai donné ma vie au Christ à l'âge de 18 ans. Quelques mois plus tard, j'ai entendu une petite voix intérieure qui m'a dit « Pourquoi ne me demandes-tu pas de te guérir? » Alors j'ai répondu « D'accord, Seigneur, guéris-moi. » Et ce fut la fin de cette maladie. J'ai aujourd'hui 60 ans et elle n'est jamais revenue. Aussi, n'ayez pas peur de vous battre dans la prière, avec des larmes et de violentes supplications, afin que vous soyez guéri. Quelques mois plus tard, moi j'ai été atteint d'une maladie grave aux reins et j'étais dans la phase terminale. J'ai prié pendant 1 année et ma maladie empirait toujours. Un jour, je lisais la Bible et je suis tombé sur un passage qui parlait de guérison. Et mon cœur s'est mis à se réchauffer. Et cette conviction est venue dans mon cœur. Cette même petite voix intérieure s'est de nouveau fait entendre et m'a dit « Ce passage est pour toi ». Et j'ai commencé à guérir à partir de ce moment-là, jusqu'à la guérison complète. Il est écrit en Matthieu 15, verset 3, « Alors s'approcha de Jésus une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Vous faites peut-être partie de ceux que Dieu désire guérir. » Peut-être même que certaines personnes sont présentement en train d'être guéries à mesure que la foi entre dans votre cœur en écoutant ce message. Le Christ est mort dans la jeune trentaine, dans la fleur de l'âge, afin de permettre à plusieurs la guérison, de vivre leur vie en entier en accomplissant le nombre de leurs jours. Ainsi, les croyants n'ont pas à mourir prématurément et laisser de jeunes orphelins derrière eux, puisque le Seigneur est mort prématurément à leur place. Vous devez nourrir votre foi en la guérison. Lisez les Évangiles, celui de Jean particulièrement. Il est rempli de miracles de guérison. Vous serez édifiés et votre foi grandira. Si vous êtes relativement jeune et que le médecin vous a dit qu'il vous restait quelques mois à vivre, n'acceptez pas ce pronostic trop rapidement. Ne l'acceptez pas avant d'avoir prié. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez obtenir avant de l'avoir demandé. Les guérisons publiques que le Christ accomplissait étaient des démonstrations de l'amour de Dieu pour les hommes, afin d'amener le peuple à la repentance et à la conversion. Selon qu'il est écrit dans l'Épître aux Romains, « Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Alors si Dieu vous accorde une guérison, c'est qu'il veut que vous lui apparteniez par la suite. Ou l'inverse, donnez votre vie au Seigneur maintenant et vous recevrez peut-être l'une de ses faveurs de guérison. Si ce message vous a parlé, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, jusqu'à présent, j'ai mené ma vie dans l'indépendance de toi. Je t'ai ignoré, j'ai péché de maintes manières, mais par ta grâce, je désire réformer ma vie et suivre Jésus. Je te prie de me guérir. Aie pitié de moi et je te suivrai. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors, je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.